sont pas humides. Jouer une petite fille avec des os, des petites mains sales, leur cœur lucide, un tas de blessures sur le dos. Les murs qui suintent, une réverbe froide, un tas de machines silencieuses, des bruits de bottes, une silhouette fade et une petite voix mélancoleuse. Monsieur, maintenant que vous faites ce que vous voulez, je peux sortir. Fini de manger ta sœur, on verra ça demain. Si tes parents t'ont oublié qu'ils ne veulent pas négocier, te considérant moins que le sang de ta rançon dégoulinant. Tout est relatif, alors arrête de plaindre. Faut que tu sois positif, alors arrête de geindre. Que tu sois dans la dèche ou bien plein de pépettes, l'important est ce que t'as dans la tête. Tout est relatif, alors arrête de te plaindre. Faut que tu sois positif, alors arrête de geindre. Que tu sois dans la dèche ou bien plein de pépettes, l'important est ce que t'as dans la tête. Des petits enfants saturés de gras suivent leurs parents, l'ulcère au foie, sur des trottoirs au cœur froid, avec un tas de maladies. Au choix, on passe la vie anorexique, sans tassure des poubelles chaudes, les peaux ascendants, asthmatiques, avec la nature en osmose. Ouais, ouais, y'a des pauvres mères qui, à force de se faire traire et se tient face à des monstres débonnaires, gentils et fait seulement l'air, finissent par voir doubler, mangent leur canapé. Regarde le soir le micro, tu as un douce zèle. De globules blancs heureux de servir une machine dictatoriale de pauvres mines se léchant le gland à l'insuline de ses parents. Un nouveau-né a explosé, ses parents lui avaient donné de la levure et du chou blanc pour qu'il grossisse le sacripant. Comme une huître collée au fond de ton slip, j'ai envie de te lécher les moules qui dégoulinent mon amour. Frais les menuettes, tu n'as rien dans la tête que les idées salaces qui passent du coca-lane, du Saint-Jorin, la brouette de Krishna, la cravate des ramas et les bottes de Rochat qui sortent sur tout ce qui bouge pas. Du globule, un gars, un arbre, un caillou, une boîte à musique, un pneu. Oh, c'est beau l'indépendance, comme elle jouait dans l'insouciance. Tout est relatif, alors arrête de plaindre. Faut que tu sois positif, alors arrête de geindre. Que tu sois dans la dèche ou bien plein de pépettes, n'importe où est-ce que t'as dans la tête. Tout est relatif, alors arrête de plaindre. Faut que tu sois positif, alors arrête de geindre. Que tu sois dans la dèche ou bien plein de pépettes, n'importe où est-ce que t'as dans la tête.